is not because you, haha, ha, I love you because you are me. C'est pas parce que... I am you, et j'ai été voir De Palmas en concert, et le guitariste... En concert, il fait tourner, je sais pas combien de guitares, il a un peu tout. Gretsch, Gibson, Telecaster, Strato, il a tout. C'est opté chez la mère. Déconne pas, lui. Hey. garder ma basse. Fais un 32. 32. Je fais un petit copy-paste. Bougez pas. Tac. Tac. Voilà. Normalement, c'est bon. Je vais remettre à zéro. Là. 15 secondes. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ben ouais. Thank you.